Una nova edició de Hola, la música obre les seves portes amb Rafael Corbí. I avui comencem amb aquesta cançó que ja sentim de fons. Serà la primera que escoltarem amb aquest programa que fa ja, i déu-n'hi-do, el nostre número 133. El comencem amb una cançó que parla de música, la Nicole Martin, i la cançó anomenada Quan jo escolto, quan jo entenc certa música que m'acau, que m'arriba. Vinga, som-hi. Anem a gaudir de tots aquests minuts de música en francès a través d'aquesta sintonia. Fantàstic, a mi m'encanta aquesta noia com canta, la Nicole Martin, i la veritat és que m'agrada molt escoltar-la una vegada i una altra amb la seva música. La Nicole Martin ens arribava amb la seva música i ara tres cançons de tres artistes diferents, amb Marcel Amon, amb Amir i primer amb Alize. Coded by N2MP3. Lolita, coléreuse et pas.

Benjamin Viales serà el proper protagonista del nostre espai, aquest artista nascut a Vilafranca, Sorsons, el 1973, cantant, compositor, músic, actor, productor francès, que és germà de la cantant Coralie Clément i exmarit de la Chiara Mastroianni. El van posar en un programa i ens han demanat, que l'heu rebuscat i l'he trobat finalment, un espectacle que ell va produir el 2018 en la companyia de Melvin Popó, que era una barreja de música, de teatre i de cinema, i compost de versions de grans cançons franceses, de Charles Aznavour, de Juliette Gréco, de Nino Ferrer, i aquest àlbum estava compost de 18 títols diferents, i d'aquests, doncs, avui podríem escoltar-ne algun d'ells. És el nostre proper protagonista. Lorsque la croisette en grande toilette devant nous fera briller ses feux follets, je veux que votre épaule soit contre mon épaule. Oh, venez, venez à Cannes cet été. Il y a tant d'étoiles sur terre et tant de fleurs au ciel. Tout ça avec vous, ça me rendra fou. Nous irons danser et nous irons traîner en passant le temps à s'aimer. Wow. À Cannes cet été. Whoa. La vanité, ce n'est qu'un mot, mais c'est le pire de tes défauts. Le seul que je ne supporte pas, le seul qui m'éloigne de toi, celui qui me fait dire tout bas, quelquefois à mi-voix. La vanité est un péché, je voudrais tellement t'empêcher de tout gâcher, de gâcher ça, de tout briser d'un geste là, de remiser au débarras l'amour fou qui rend fou reines et rois. La vanité est une offense à l'âme perdue de l'enfance, à mon intelligence ou pas, peu m'importe le résultat, peu m'importe le résultat, il n'est pas digne de toi. La vanité vue sous cet angle n'est pas la main qui nous étrangle, juste le soleil qui tournoie lorsqu'on voudrait qu'il reste droit. Mais à la longue on s'aperçoit quelle fissure, le futur délicat. Nul ne peut nous entendre. tombe la pluie sur les carreaux, tendre et fragile comme la peau de tramontane enlisée. Vogue mon âme vandalisée, plonge l'azur sous les carreaux, chante sirène comme en écho de tramontane enlisée. Rendre les âmes dévalisé. Et de partout dans la nuit de France, il y en a beaucoup des amoureux qui dansent, moi j'écoute la pluie, ressasser toute ma vie. Tombent les feuilles sous le préau, dans ma mémoire il faisait beau. De tramontane enlisée, vogue mon âme vandalisée, sèche la pluie sous le vent chaud, sous les caresses du sirocco. De tramontane on a lisé, rendre les âmes dévalisées. Et de partout dans la nuit de France, il y en a beaucoup des amoureux qui dansent, moi j'écoute la pluie, ressasser toute ma vie, jour et nuit. Loin du ciel de Paris, genial la música d'en Benjamin amb aquestes quatre cançons, aquest songbook que avui hem recordat. Estem a la recta final del nostre programa de Olalà i la veritat és que són cançons totes elles realment fantàstiques les que ens han acompanyat amb el programa del dia d'avui. Estic doncs molt content d'escoltar-les una vegada i una altra, però ara retornarem una mica a escoltar altres artistes fins a final del nostre espai. Escoltarem unes cançons que ens aconduiran amb altres temps, amb una veu femenina, en aquest cas, la Claire Pelletier. Aquesta cançó es diu Els dos amants. Donnera celui qui, d'une main, d'une seule poigne, me portera sur la montagne, juste avant l'heure du midi. Mais mon amant est si petit, et comment vaincre les plus gaillards? Mon amour, c'est un défi. Je vois la peur dans ton regard. L'amour est seul et nous aussi. Mais que c'est beau quand on l'oublie. L'amour est seul et nous aussi. Mais que c'est beau quand on jusqu'à s'épuiser. L'amour est seul et nous aussi. Mais que c'est beau quand on l'oublie. L'amour est seul et nous aussi. Mais que c'est beau quand on escoltat aquesta cançó que ens ha portat fins al final del nostre programa. Cançons diverses quan hem començat amb aquest senzill de setembre de 2020 de Carla Bruni i Jean Birkin, i també amb especial atenció a Brigitte Bardot o a Benjamin Biolay, que ens aportava la seva música des d'aquest songbook que a mi m'ha encantat, i Claire Pelletier, aquesta cantant francòfona canadenc que es va donar a conèixer als anys 80 amb el grup Tracadiesh, que s'anomenava, amb una gira que va fer pel Quebec. Els dos amants, aquesta és la cançó que escoltàvem, i Galileo és la cançó en la qual posarà punt i final amb el programa del dia d'avui de Hola la Música. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, gràcies per haver-nos triat, i ens retrobem de nou, si Déu plau, la propera setmana. A reveure. Thank you.